Bonjour, nous sommes aujourd'hui le 22 mars 2022 et j'ai le plaisir d'interviewer notre amie Françoise Cortez, qui réside en ce moment à Louxor et en Égypte. Nos amis communs, les Tastu, m'ont dit que Françoise avait plein de choses à nous raconter. Eh bien, on va l'écouter. Françoise, est-ce que tu peux nous dire qui tu es ? Une retraitée de plus de 70 ans, 75 exactement, et qui vient ici volontiers, très heureuse ici. Très heureuse. Tu viens depuis combien de temps en Égypte ? Oh, mon premier voyage c'était en 2009, mais j'ai fait plusieurs petits séjours et mes séjours sont de plus en plus longs maintenant. De une semaine à deux semaines, maintenant après c'était un mois. Et l'année dernière c'était 4 mois et demi, et là ça sera 5 mois. D'accord, 5 mois d'affilée ou 5 mois d'affilée. Cinq mois. Et tu viens de quelle période à quelle période? De novembre à fin mars. Novembre, fin mars, bien. L'hiver n'est pas trop rigoureux à Louxor? Oui, en tout cas moins que chez nous. Ah, ça c'est sûr, c'est moins que chez nous. Mais j'ai souvenance, pour y avoir résidé dans ces périodes-là, d'avoir eu des nuits un peu fraîches. Oui, mais c'est pas grave, on est sous la couette, c'est bien. T'es sous la couette. Et où habites-tu en ce moment? À Compiègne. En France, c'est à Compiègne. D'accord. D'accord, tu habites en France à Compiègne, mais en Égypte, tu habites où? Ici à Louxor, à Rabla. D'accord. Tu n'es pas dans la villa des frères Saled? Non, mais j'y étais plusieurs années, j'ai dû faire à peu près tous les appartements. Ah, tu les as tous essayés. Lequel as-tu préféré? Carter. Carter, ouais, ben, ça je te comprends, moi aussi j'y ai résidé, on était là-bas très bien. Bon, alors, mais qu'est-ce qui te motive à venir en Égypte, quoi? Parce que passer 5 mois dans un pays... Le soleil, oui. Le soleil, d'accord. Les visites à faire, la gentillesse des Égyptiens, plein de choses. C'est un ensemble. C'est un ensemble, bien. Mais pour y résider 5 mois, il faut quand même avoir une sacrée motivation. Oui, j'ai une autre motivation. Je parraine, je fais partie d'une association et je parraine 2 enfants. Donc, je peux aussi voir vivre les Égyptiens à leur manière profonde, quoi, l'Égypte profonde. Et c'est des enfants égyptiens que tu parraines? Des Égyptiens, oui. Une petite fille musulmane et un petit garçon copte. D'accord. C'est bien ça. Et c'est très enrichissant. Bien sûr. Et ils ont quel âge? 8 et 6. 8 et 6. Et pourquoi as-tu besoin de les parrainer? Ils étaient leurs parents? Parce que c'est une famille très pauvre. D'accord, très pauvre. Mais ils ont encore leurs parents? Comment ça se passe? La petite fille a encore sa maman, le petit garçon a encore ses parents. Mais bon, il y a... ça ne roule pas sur l'homme, quoi. Non, ça donc, c'est sûr. Je suis là, j'en profite pour les gâter un petit peu. Ouais, c'est bien ça, c'est bien. Et qu'est-ce qui t'apporte ces jeunes enfants? Leur sourire, leur gentillesse, ils sont adorables, adorables. Et vous parlez quelle langue? Ça c'est une bonne question. un petit peu, j'essaye d'être avec quelqu'un qui parle soit anglais, il y a le chauffeur qui fait l'interprète, qui est arabe et qui fait l'interprète qui parle anglais, ou avec une personne qui parle arabe, ou sinon ben avec les mains. D'accord. Tu comprends bien les enfants et vous avez un bel échange. Voilà, un bel échange. Ça c'est vraiment... Et tu les vois combien de fois par semaine? Bon, j'essaie de les voir une fois par semaine ou toutes les 2 semaines. D'accord. Donc, je suis leur scolarité, etc. Voilà. Et comment tu fais pour suivre une scolarité égyptienne? Je regarde leur cahier. Ah, tu regardes leur cahier. Est-ce que tu as fait des progrès en arabe? Moi, non, pas du tout. Pas du tout. Bien. Mais pourquoi leur cahier, à part quelques dessins, ils écrivent en arabe, non? Oui, ils écrivent en arabe, ils apprennent l'anglais. Ah, ils apprennent l'anglais. Ça, c'est Apprennent bien, l'anglais. ça. Ouais, ça, c'est bien. Donc, il y a des petits échanges qui peuvent se créer là, sur ces bases-là. Voilà. Voilà. Bien. Et est-ce que tu t'intéresses à l'égyptologie? L'égyptologie est un bien grand mot, peut-être, pour moi, parce que je ne suis pas du tout égyptologue, mais je m'intéresse beaucoup, oui. Bon, tu n'es pas égyptologue, mais qu'est-ce qui t'intéresse dans l'histoire égyptienne, C'est les légendes, c'est les gens que les pharaons ont créés, les prêtres, c'est tout un ensemble aussi de. J'adore, j'aime m'imaginer, par exemple, dans un temple, tout ça, marcher sur les pas de Ramsès. Oh, ça fait chouette. D'accord. Et tu parlais des légendes des pharaons. Qu'est-ce que tu as comme histoire à raconter sur les légendes des pharaons? Les légendes, avec les animaux, les. Tout ce qui s'est passé avec les hippopotames, les crocodiles, etc. Qu'est-ce qu'ils soignaient avec les serpents, toutes ces légendes-là qui datent de tellement longtemps. D'accord. Et qu'est-ce que représente pour toi un pharaon? Le roi, il était déifié aussi, donc Et ce pharaon-là, effectivement, c'était un dieu vivant, hein, mais à quoi il servait le pharaon? Et est-ce que tu peux faire un rapprochement entre un monarque du 21e siècle et un pharaon? Quelle différence il y avait entre les deux? monarque du XXIe siècle. Oui? L'Angleterre? Par exemple, oui, rapprochons Hatshepsut de la reine d'Angleterre. Je pense que le rapport entre les pharaons ou pharaons était bien différent de la reine. La reine, elle est surprotégée, elle est. C'est difficile à expliquer. Ah, elle est surprotégée. C'est sûr qu'elle est protégée. Mais est-ce que tu ne penses pas que le pharaon était Il était protégé lui aussi. aussi? Il était aussi, oui. Il l'était Mais aussi. Hein? je Mais. pense que, par exemple, les ouvriers qui travaillaient pour. Les artisans qui travaillaient pour le pharaon. Ils travaillaient pour Pharaon, c'était un honneur. Même si c'était très dur pour eux, c'était un honneur. Bien sûr. Bon, mais c'était quand même une caste. Cela était une caste privilégiée. Hein, Oui. quand on voit un petit peu ce qu'ils ont laissé un peu plus loin là, dans le musée à ciel ouvert dont nous parlent les statues. Non, moi, si tu veux, ce qui m'avait frappé et ce qui me frappe toujours, c'était que ces pharaons étaient des monarques responsables. Responsables, c'était des interfaces entre les hommes et les dieux. Mais Voilà. ils étaient responsables, ils étaient responsables des hommes vis-à-vis des dieux et des dieux vis-à-vis des hommes. Regarde Voilà. un petit peu toutes ces, comment dirais-je, toutes ces, tous ces voyages que les pharaons ont fait pour aller aux sources du Nil pour voir pourquoi la crue n'avait pas fonctionné. C'est quand même ça, une certaine. Incroyable. Hein, bah c'est incroyable ça. Est-ce qu'aujourd'hui, tu penses que la reine d'Angleterre serait capable de remonter, je ne sais pas, un fleuve, c'est Ah peut-être non, pas c'est l'occasion, pas mais comme. Les bateaux qu'ils ont construits pour transporter des pierres énormes et tout, là souvent c'est. Voilà. Mais moi, ce qui m'a frappé, c'est cette responsabilité qu'ils avaient les uns et les autres vis-à-vis de leurs ancêtres, bien sûr, mais de leur cour, mais également vis-à-vis des hommes. C'était des monarques responsables. Responsables. Et ça, c'était quand même quelque chose qui. Moi, j'aimerais bien un peu que nos monarques en prennent un peu de la graine et se retrouvent devant ce niveau de responsabilité et qu'ils puissent prendre des engagements. On est en période électorale, là. Est-ce qu'ils pourraient prendre des engagements de ce niveau-là, tu penses? Non. Je pense pas qu'il soit prêt d'être déifié, lui. Non, mais sans parler de déification, voilà. Bon, quel est le temple à Louxor que tu préfères? Quel est l'endroit où tu te sens le mieux? J'aime beaucoup comment. Ah oui, c'est comment beau, c'est pas Luxor, mais sur Komombo, Luxor. non, c'est le crocodile. Oui, mais sur Luxor, j'aime bien le Ramesséum. Oui. J'aime beaucoup le temple de Louxor, tout simplement. Et Medinet D'accord, voilà, bon, mais ça c'est intéressant. Et quel est, selon toi, le moment le plus intime que tu as connu sur l'un de ces temples et pour être en relation avec les pharaons, avec le divin? Est-ce que tu comprends ce que je veux dire? Oui, tout à fait, oui. J'aime bien Médiné. D'accord. Et qu'est-ce qui s'est passé pour toi? Tu es capable d'en parler? Tu as envie d'en parler? Je ne veux pas non plus rentrer dans trop de ton intimité, mais est-ce que tu as un message à faire passer, si tu veux, à travers lequel on peut voir l'Égypte différemment des circuits touristiques et de moments comme ça qui te mettent en proximité avec le divin? C'est pas facile comme question. Ah, je sais qu'elle n'est pas facile, mais c'est pour ça qu'elle est intéressante. Je pourrais te poser la même question lorsque tu visites une cathédrale. S'il y a des moments comme ça, privilégiés, qui peuvent te connecter avec le divin, quoi, parce que la cathédrale aussi était une machine à se connecter avec Dieu. Il y a des petits sanctuaires dans les temples qui sont très intéressants. Je ne sais plus le nom. Je ne sais plus le nom. C'est pas grave, Il c'est pas grave, c'est pas grave. Non, mais c'est ça, en fin de compte, qui. intime où on se retrouve dans l'intimité presque. Ouais. Moi, j'ai vécu une expérience comme ça au temple de Karnak, où j'ai failli me faire enfermer parce que bah, j'ai pas vu l'heure passer. Et Oui. où. Le muezzin, parce qu'il y a Oui, une mosquée pas loin, le muezzin s'est mis à chanter. Et là, ça, tout de suite, il y a eu une connexion. Tu vois ce que je veux dire? C'est très intime. C'est bon, mais c'est formidable, ça. Rien que ça vaut le voyage, hein. Moi, je comprends bien sûr. qu'on reste 5 mois là-bas. Hein. Bon, à part ça, tu sais lire les hiéroglyphes? Non. Non? Tu as Non. essayé d'apprendre? Ben je sais, j'ai un cartouche avec mon nom dessus, mon prénom dessus, mais voilà. Ah, voilà, d'accord, ok. Ces hiéroglyphes t'ont inspiré quelque chose? Est-ce qu'il y a des hiéroglyphes sur un temple ou sur un autre qui, telle une bande dessinée, parce que c'est des bandes dessinées à ciel ouvert, c'est formidable, est-ce qu'elles t'ont apporté, est-ce que ça t'a apporté quelque chose, ça? Oui, c'est dans un temple, la recherche du hiéroglyphe spécial. Comme on a trouvé dans un temple une petite libellule, c'est le seul endroit où il y a cette petite libellule. Et qu'est-ce que ça veut dire en hiéroglyphe, la libellule? Ça, je sais pas. Ah, tu sais pas. Mais c'est amusant d'aller chercher comment dire, les signes qui ne sont pas habituels. D'accord. Oui, c'est vrai. Bah, y a des choses formidables aussi. Mais c'est beaucoup d'attention, c'est beaucoup de recherche, hein, parce que là, il faut quand même se donner quelques moyens. Et alors, donc, on revient à l'histoire égyptienne. Ça t'intéresse, l'histoire de l'Égypte? Ah oui? Ouais. Quelle est la période que tu préfères? Ramsès, la Ramsès. personne D'accord. C'était le Second Empire, ça, non? 18e dynastie. Au 18e. Ouais, pourquoi je dis Second Empire? Ouais, je me trompe encore. 18e dynastie. Bien. Et qu'est-ce qui t'a inspiré de plus, ce pharaon-là, que les autres? Parce qu'il était, il a tout vu en grand, il a vécu très longtemps, il a eu plein de femmes, plein d'enfants. Ça fait partie des légendes aussi. Voilà. Et il avait la belle entre les belles, comme première épouse. Et t'aurais aimé être une de ces femmes? Je sais pas. C'est vrai, quoi, parce que Ah ben, ça peut arriver, quand même. le premier qualificatif que tu donnes, bah, il a eu plein de femmes. Bon, alors d'accord. Non, mais ça peut. Je pense que ça pouvait être intéressant. Et comment tu expliques ce rapport frère à sœur, mari à femme? Maintenant, ça nous choque, mais à l'époque, c'était pas choquant. Ouais, d'accord. Et ouais. C'est normal, il faut se reposer se repositionner dans le contexte. Bien sûr, bien sûr. Et ce contexte, moi, il y a une chose qui m'a frappé, c'est les prêtres. Alors, Oui. c'était des gens à la fois formidables et un peu dangereux, me semble-t-il, mais qui préservaient les dieux, qui les enfermaient dans la logique des temples, etc., etc. Ils ont aussi caché des momies royales pour pas qu'elles soient Oui. détruites ou volées. Voilà. Oui, ils ont protégé les royautés, hein, ça c'est sûr. Mais ils avaient quand même. Qu'est-ce que c'était un prêtre égyptien pour toi? Celui qui, comment dire, qui honorait le pharaon, les dieux, qui faisait le lien entre le pharaon et les dieux. Oui, tout à fait, oui, c'est lui qui donnait chaque jour à manger à son Dieu, etc., même plusieurs fois par jour, si ma mémoire est bonne. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé le jour où les prêtres ont ouvert les temples? Est-ce que tu vois Oui, de quoi je veux parler? oui, oui, Oui. oui. À ton avis, qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Qu'est-ce qui s'est passé? Je vais te mettre un peu sur la piste. Je vais te mettre un peu sur la piste. Les temples étaient fermés. Oui. Seul le pharaon et quelques grands prêtres y avaient accès, plus toutes les petits prêtres qui faisaient l'entretien de ces édifices. Et un beau jour, où petit à petit, on ne sait pas comment bien les choses se sont passées, les prêtres ont pensé qu'il était bien qu'on ouvre petit à petit ces temples au petit peuple. Oui. Et ce petit peuple y a eu accès petit à petit, en commençant par les plus hauts nobles, etc., etc. Bon. Et là, qu'est-ce qui se passe, à ton avis ? Alors, est-ce que ces dogmes et tout ça ont commencé à envier les prêtres ou ont plus, toujours plus ? Il y a ça. Et puis, il y a surtout le fait que le sacré a commencé à disparaître. Ouais. Et le sacré, c'était ça qui, selon moi, tenait le temple. Et c'est son caractère sacré qui faisait que cette grosse machine, à la fois économique et religieuse, tenait. Et tu abandonnes un peu de ce sacré, et petit à petit, tout ça se paupérise, tout l'édifice commence à vaciller, et le peuple rentre directement en contact avec les dieux par le biais des guerres, par le biais de plein de choses. Et là, c'est à mon sens là que naît la décadence de l'Égypte. Je sais pas, qu'est-ce que t'en penses, toi ? Oui, sûrement, oui. Pas plus que ça. C'est pas quelque chose qui t'a perturbé, ça ? Non, pas plus que ça. Oh, ben, t'as le droit. T'as le droit. Bien, oui, non, c'est vrai que le temple, bien, c'est une machine à communier avec le divin, et tu arrêtes cette communication, tu arrêtes ce sacré dès que tu ouvres les portes. C'est aussi simple que ça. Mais je pense que mais il y a d'ailleurs des histoires là très importantes avec certains grands prêtres qui ont ouvert les portes et qui non ça c'est à mon sens ça c'est aussi intéressant à bien comprendre, si on veut comprendre le sacré, la notion du sacré. Tiens, si je te posais une question, est-ce que le mot sacré a une différence bien établie pour toi entre un sacré dans une église française, par exemple, et le sacré du temple de Ramsès, qui tu veux? Quand c'est sacré, donc c'est... Non, pas de différence. Tu fais pas de différence. Non. Et c'est pourtant le même sacré pour toi. C'est... Oui. Ouais. Si c'est sacré, c'est sacré. Si c'est sacré, c'est sacré. Ouais, bon. Je sais pas si on peut parler... Que ce soit le pharaon, que ce soit notre dieu catholique ou notre dieu, c'est... C'est sacré, si les gens se prosternent et tout ça, c'est sacré, c'est... D'accord. Bon, eh bien, c'est intéressant, ça, le sacré. C'est une sacrée histoire, le sacré. Et moi, c'est quelque chose qui me perturbe. Non, ça ne me perturbe pas, ça m'intéresse. Et je pense qu'il y a des choses formidables à faire pour bien comprendre comment... Quand on parle du sacré en France, eh bien, on est sur 1000 ans, 1200 ans. Quand on parle du sacré en Égypte, on est plutôt sur 4000 ans. Donc, Oui. il a fallu pendant 4000 ans que tu aies des tas de gens qui serrent les coudes pour que tout fonctionne bien, quoi. Oui. Et quand tu sais que le pharaon était un intercesseur, hein, entre les dieux et les hommes, tu sais que cet homme-là, il avait une charge de responsabilité énorme, énorme. Et à partir de là, tu parlais de Ramsès tout à l'heure, qui a vécu, ouais, je sais pas, 80 ans, quelque chose comme ça. Oui. Et pendant 80 ans, il a dû tout orchestrer, Il tout. a dû régner pendant 60 ans, je crois. Ouais. Il est mort en 90, mais il a régné pendant 60 ans, en gros. Voilà. Ouais. Et alors, tiens, il y a une chose aussi. Tu m'as pas parlé des tombes. Tu vas dans les tombes de temps en temps? Oui. Quelle est la tombe qui te, qui, dans laquelle tu te sens le Ma mieux? préférée, Nefertari. Néfertari. Et qu'est-ce Ah qu'elle a oui. de plus que les autres, Néfertari? Elle est magnifique, les peintures à l'intérieur sont d'une délicatesse incroyable. Il y a plein de petits détails qui sont. Les peintures sont magnifiques, magnifiques. La robe, on dirait qu'il y a un fil, on dirait que si on tirait dessus, la robe se. On enlèverait le fil, le tissu comme ça. D'accord, ouais, c'est très Elle est fin. belle. C'est très fin. Tu es sensible à l'art égyptien? Oui. D'accord, ok. Donc Néfertari. Nefertari. Mais si ma mémoire est bonne, là, Thierry et Régine m'ont donné les tarifs de ces tombes. Néfertari est une des Oui. tombes les plus chères. Oui, D'accord. effectivement. Bon, mais donc, selon toi, le jeu en vaut la chandelle. Cet premier aussi est très cher. Oui, les Oui. deux, oui, tout à fait, d'accord. Bon. Et alors. Elles sont tellement magnifiques qu'on peut de temps en temps faire un sacrifice et y aller. Oui, tout à fait. Et dis-moi, moi, il y a une chose qui m'a toujours frappé, c'est que un pharaon. À partir de quel âge il faisait sa tombe, il commençait à construire sa tombe, ou à construire, ou à creuser sa tombe. Ben, je crois qu'à partir du moment où ils étaient pharaons, c'était prévu comme ça. Hein. Donc C'est ils pour étaient. ça que quand il y en a qui meurent jeunes, leur tombe comme Toutankhamon n'était pas finie. Bien sûr, bien sûr. Donc, est-ce que tu te rends compte, là, je vais te faire part encore d'une réflexion, c'est que. Donc, lorsqu'ils arrivent sur le trône, Oui. souvent jeunes, ils Oui. commencent à faire creuser leur tombeau. Est-ce que tu te rends compte que déjà, à ce moment-là, ils se préoccupaient de leur mort et de la suite qu'ils allaient donner à leur. Je ne vais pas parler d'âme parce que c'était pas comme ça qu'ils appelaient ça. Comment ils appelaient l'âme, les Égyptiens? Le bas. Le ba et le ka, hein, c'est ça, voilà, ça me revient. Et donc, ils se posaient la question, hein, de leur devenir après la mort, à peine arrivés sur le trône. Et est-ce que tu te rends compte de la problématique que ça peut poser, hein, à nous, Européens, qui avons, vis-à-vis de la mort, qu'est-ce que tu penses de la mort? Moi, ça ne me fait pas peur personnellement, D'accord. mais il arrivera ce qui arrivera. T'as commencé à creuser ta tombe? Ah non. Voilà. Elle est un emplacement réservé au cimetière, mais c'est tout. Ah, d'accord, ok. Bon, tu dis, ça ne te fait pas peur. Je pense qu'eux non plus n'avaient pas peur. Et ils n'avaient pas peur parce que. Allez connaître. La mort. J'ai pas entendu. Mais non, puisqu'ils pensaient qu'ils allaient renaître après la mort. Parce qu'ils pensaient qu'ils allaient renaître après la mort. Mais il y a bon nombre de religions qui évoquent ces questions-là. Oui. Bon. Est-ce que tu as d'autres choses à me dire sur l'Égypte voilà, laisse parler ton cœur, laisse parler ta... Mon cœur, oui. Le Nil est magnifique. Pardon ? Le Nil est magnifique. Le Nil, ah, le Nil oui. Est magnifique, le Nil, ouais, d'accord. Majestueux, il est... on y est en paix, quand on est à côté du Nil ou sur le Nil, on y est en paix. D'accord. Est-ce que tu vas te promener le soir sur un motorboard sur le Nil? Ah oh, oui. Tu aimes bien ça? Tu aimes bien ça? C'est paisible, hein? Ah oh, oui. Et pourtant, moi, ce qui m'avait frappé, c'est qu'il n'y ait pas plus de vie que ça. Le soir. On ne voit pas beaucoup de vie. La journée, tu vois de la vie sur le Nil? Ah oui. Ouais. Oui. Il y a une vie intense sur le Nil, à Louxor. Il y a des petits bateaux, les moyens, les gros, les felouks, les dalabias. Et puis les animaux qui se promènent, les chevaux, les bufflons, les... Qu'est-ce que... Il y a des oiseaux magnifiques. Pardon, excuse-moi, quel est l'animal le plus... Emblématique? Non, celui qui t'a le plus touché, quel est le souvenir d'un animal qui t'a, touché Tous les petits ânes qui sont là, qui bossent comme des malades souvent et qui sont les ânes. Les ânes, d'accord. Et oui, c'est courageux. C'est quelque chose de typique quand même ici. Hein. Ah, ça c'est sûr, ça c'est sûr. T'es déjà monté sur un âne? Non. Non? Ah bon, voilà. Bon, ça peut être une expérience intéressante. Il faut s'y préparer, mais... Bon... Françoise, qu'est-ce que tu as d'autre à nous dire? Que je suis bien ici, que je reviendrai le plus possible et le plus souvent possible. Bon. Jusqu'à ma mort. Jusqu'à ta mort, c'est bien. Mais tu sais, je crois que le propre de l'homme est de se préparer à mourir. Les Égyptiens étaient des orfèvres en la matière. Ah oui. Du moins... La noblesse, les gens cultivés étaient des orfèvres. Et apprendre à mourir, je pense que c'est un bon cheminement qui peut nous permettre d'atteindre cette ultime échéance de façon apaisée, de façon tranquille et de partir gentiment. Voilà. Ben c'est comme ça que... Bon, et bien ça, c'est quelque chose que à titre personnel, j'ai dans les temples, et bien, j'ai retrouvé ça très régulièrement, quoi. On est bien dans ces temples, hein. Voilà. J'oublie certainement de te dire plein de choses, mais c'est vrai qu'il y a tellement de... Il y a tellement de choses, d'événements, qui sont... intéressant ici que... Ben, tu sais ce que je te propose? Dès que tu vas te rappeler d'un oubli, et ben, tu vas le noter et puis à un moment donné, ben, on reprendra cette discussion. Tu vois l'état d'esprit dans lequel j'essaye d'aborder les choses, quoi. D'une part, dans ce qui touche dans notre... dans nos visites d'Égypte, ce qui touche dans notre relation aux Égyptiens, ce qui peut apporter quoi et donner envie, eh bien à tous ceux qui vont nous écouter, de venir et de revenir. La gentillesse des Égyptiens. Voilà. Bon, eh ben écoute Françoise, je vais te remercier. Ne quitte pas parce que j'ai une ou deux choses à te dire hors antenne. Et merci à toi. Et puis, longue vie en Égypte. Et puis, reviens-nous avec plein de beaux souvenirs. Merci. Au revoir.